un regard totalement ironique qui nous invite à réfléchir au fait que le mouvement de la modernisation, c'est un mouvement qui n'est pas continu, c'est un mouvement qui surtout ne peut pas rendre compte d'une situation où tout le monde est dans l'enchantement. Et en même temps, la capacité de raison, d'observation, de distance, c'est aussi ce qui permet de critiquer la science en train de se faire. C'était la Bibliothèque des sciences que vous pouvez retrouver comme toutes les émissions précédentes ainsi que toutes les chroniques sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Merci beaucoup à mes deux invités d'aujourd'hui, Thierry Hoquet. Je rappelle que vous avez publié Darwin contre Darwin, comment lire l'origine des espèces aux éditions du Seuil. Merci Jean-Baptiste de Panafieux, Darwin à la plage, l'évolution dans un transat, c'est chez Duno et c'est le prix Goût des sciences France Culture 2017. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Nominaguette, Saint-Vulfranc, Sarah Igemans, Elisabeth Miro. À la réalisation, Audrey Guély, la technique. Tout de suite, dans un instant, le dernier épisode de la série documentaire de la semaine de Céline Duchesne et Laurent Polleret sur les sorcières. Aujourd'hui, sorcières, nature et féminisme. Tout à l'heure, ce sera l'heure du grain à moudre à 18h20. Les jeux vidéo sont-ils trop pris au sérieux? La question qu'Hervé Gardette posera à ses invités. Et pour ce qui nous concerne, demain, c'est un vendredi fiction et nous célébrerons les 50 ans d'un monolithe de la science-fiction. Il sera question de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.